d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Et voici celui qui commence à avoir de la difficulté à écrire ses intros avant l'émission, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Une autre émission qui débute comme ça les mardis après-midi. C'est ce qu'on fait. C'est notre passe-temps favori de parler de technologie, de science et d'autres trucs geeks ensemble. Donc aujourd'hui à l'émission, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, c'est un fait, Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine, merci science. On va continuer notre nouvelle série musicale. En fait, on en commence une nouvelle cette semaine, c'est DKC Mixtape 94 sur la musique de la série Donkey Kong Country. Mais pour commencer l'émission, c'est le moment de la chronique sur les jeux, la chronique sur les jeux vidéo rétro, oui, avec Samuel Girard. Hey, salut Samuel Girard, ça va? Bonjour! ça m'a pris par surprise parce que je la connais pas, celle-là. D'habitude, les chansons thèmes que tu fais jouer, je les connais au moins un petit peu, je sais ce que c'est. Ben en fait, t'as fallu que je me retienne parce que j'ai failli prendre la chanson du film que tout le monde connaît. Ah, ok! Mais finalement, je me suis dit, non, je parle pas du film, je parle du jeu. Exactement, mais donc, de quel jeu est-ce qu'on parle? Oh, de Mortal Kombat! Oh, wow! Oui! Wow, un jeu de combat, finalement, ça dit dans le nom pas mal, je te dirais. Oui, exactement, c'est en plein ça. Je n'ai pas d'expérience avec ce jeu du tout, tu vas me renseigner sur plein d'affaires, j'en suis certain. Ok, je pensais que t'avais au moins déjà joué un petit peu. Bon, j'ai déjà joué un petit peu. Ok, mais pas plus que ça. Ok, fait que si je me mets à nommer plein de personnages, ben tu peux pas tout te faire les images dans ta tête. Probablement pas, non. C'est ça. Je vais vraiment m'essayer. C'est bon, parce que je m'en tiens quand même au classique. Ok. Alors, oh, pis toi, tu l'as pris, la chanson du film. C'est ça? Oui! C'est merveilleux, ça. Ben, allons-y. Ben, allons-y. J'espère. Là, je suis content d'avoir pris une autre chanson pour le temps. Ouais, exactement, tu sais. On s'en sort bien. Oui, avant de commencer, je veux juste faire un petit retour sur quelque chose que j'ai dit de faux la deux semaines. Maudit menteur. Arrête-moi ça. La désinformation, c'est ma job dans cette émission-là. Ah, ok. Mais c'est pour ça que je vais corriger, comme ça va rester ta job. Merci. Non, quand j'ai parlé du 3DO pour avec Megaman. Oui. Donc, j'ai interversé des consoles quand j'ai dit qu'il y avait eu des flops avec Mario et Zelda. Mm-hmm. Ça, c'est sur la CDI de Philips. OK. Megaman, il voulait la sortir sur la 3DO. Ça, c'était la bonne console qui a réussi. C'est juste que elle, la 3DO de Panasonic, était trop dispendieuse. Mm-hmm. C'est ce qui a fait que ça a été un flop. Donc, j'ai mis les deux consoles ensemble quand j'ai parlé, mais c'est deux consoles distinctes. Petite confusion, mais non, c'est ça, la CDI, c'est celle dont tu parlais, qui avait des cutscenes, des scènes de dessins animés oui. dans les jeux vidéo. C'était quelque chose. Recherchez-les sur YouTube, là. On en parlait un petit peu la semaine passée, mais ça vaut encore la peine de le mentionner. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment mauvais. Vraiment très bien. Tu peux pas mieux dire. Alors, on se lance dans Mortal Kombat. Alors, ce que l'on est rendu, que je pense que le 10e est annoncé, si je me trompe pas. Okay. Alors, je vais m'en tenir au 1, 2, 3, qu'il y a eu au Sega Genesis et au Super Nintendo. Ok, on reste vintage rétro. C'est oui. dans la colonne des jeux rétro. À date, tu suis bien la thématique. Oui, puis là, ben, j'ai fait quelque chose de Mortal Kombat 9 quand on avait fait la chronique horreur. Oui, ça c'était mais spécial. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, ça c'était l'exception. Là, je m'en tiens au rétro. Exact. Donc, les jeux des années 90, qui ont été très, très populaires, mm-hmm. on s'entend. Le premier a été fait seulement par 4 personnes, un programmeur, 2 responsables des graphiques et un gars de son. C'est tout. C'est restreint, hein? C'est, oui! C'est pire que c'est fou. Moins d'employés. Mais c'est ça. Mais pourtant, ça a été un énorme succès. Alors, le comme c'est fou, évidemment. Oh oui. Un énorme succès. Exactement. Même principe. Même combat. Ouais, comme oh! quoi? Comme... Oh! Même combat avec un cas. Hein? T'as pas préparé ça? Non, t'as été plus vite que moi là-dessus. Merci. Avant qu'on donne le nom Mortal Kombat au jeu, les noms qui avaient été retenus, c'était Kumute, Dragon Attack, Dead Blow et Fatality. Okay. Je suis content que finalement ce soit Mortal Kombat. Okay. Dragon Attack, c'est cool quand même. Oui. Je trouve ça beau. Les mais autres, ça ne code pas avec le jeu. Non. Non, non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de dragon. Oui, il y en a un. Il y a un personnage dragon? Ben, c'est l'animality de Liu Kang est okay. un dragon. Ah oui, il se transforme un peu. C'est ça. Ok, parfait. C'est un personnage qui se transforme et non pas un personnage qui est un dragon. Là, on parle d'animality qui est un dérivé des Fatality, des Babyality et autres trucs comme ça. Ça, je vais tout en parler tantôt. Oui, exactement. Donc, là, tout ce que je dis, c'est pour le premier jeu. Okay. Je vais y aller dans l'ordre du coup là. C'est bon. Quand vous êtes game over, il y a une chance sur 30 que l'animation soit différente. OK. OK, donc au lieu de juste voir un game over écrit à l'écran, eh bien là, la caméra va descendre au fond d'un puits. Et là, on va voir plusieurs corps empalés sur de longs clous. Oui, des gens de pique. Oui. C'est beau, ça. C'est bizarre, ça fait un petit peu peur. Là, parce mais que une chance sur 30 d'avoir cette animation-là okay. quand que vous perdez. Ah, wow. C'est comme un hasard, mais pas vraiment parce que c'est spécifique une fois sur 30. Oui, c'est ça. C'est pas une formule mathématique du hasard. Mais je sais pas pourquoi. Ça, le temps en tête, faire une petite exception un coup. Ouais, ça met de la variété. Ouais, c'est ça. On parlait des fatalities tantôt. Donc, au départ, Shang Tsung était le seul à en avoir une. Finalement, il a appliqué ça pour tous les joueurs. Et il y en a une où... il y a une épée, il tranche la tête de son adversaire, mais elle a été retirée. OK. OK, mais dans le code, elle est encore là. Wow, donc on peut la hacker et la remettre dans le jeu, j'imagine. Ben, je sais pas si on peut la remettre dans le jeu, mais quelqu'un peut aller la voir. OK. OK, ou au moins voir l'animation de Shang Tsung en train de donner le coup d'épée. Mm-hmm. Donc, c'est des choses comme ça qui sont bien cachées, on s'entend. Ouais. Au départ, le personnage Jax, celui qui a les bras en métal, là, okay. Il devait être dans le jeu. Sous le nom de Curtis Stryker. Mm-hmm. Finalement, les concepteurs ont décidé que vu qu'il n'y avait pas de personnage féminin, mais ils ont créé Sonya Blade, oui, qu'ils ont placé dans le jeu. Et Jax, lui, a fait son entrée seulement dans le deuxième jeu de Mortal Kombat. Et le nom Curtis Stryker, lui, a été conservé pour un personnage qui a fait son entrée dans le troisième jeu. Oh, donc ça mélange trois affaires en même temps. Oui. OK. Le triangle amoureux. Exactement. Alors, c'est comme ça qu'elle a... Et évidemment, tous ces trois personnages-là sont collègues. Oui. Donc, il y a tout à des liens entre les trois. Okay. Ensuite, Raiden et ses techniques sont basées sur le personnage Lightning du film Big Trouble in Little China. Si tu veux aller sur le Facebook, j'ai placé une image okay. des deux personnages côte à côte. Mm-hmm. Et honnêtement, ça peut pas Mais être oui. okay. ça peut pas être mieux que ça. Là. Donc, les personnages dans Mortal Kombat ont un chapeau typiquement asiatique, oui. j'irais chinois, probablement en triangle, on dirait du foin, ça. Alors que l'autre, le personnage, on dirait qu'il porte un panier oui. d'osier, mais c'est vraiment la même chose sur la tête et les éclairs bleus qui sortent des mains. Et les mains sont presque placées de la même façon. Exactement, oui, c'est ça, les disons, à l'avant, devant oui, soi. C'est ça. Avec les mains grandes ouvertes, oui. Alors, voilà, ensuite, la plaque métallique au visage de Kano. Et qui est une référence directe au film Terminator 2, okay. donc la deuxième image, si, mm-hmm. si tu veux regarder. J'y suis. Alors, ben oui, ben oui, ben c'est oui. ça. Donc, l'œil rouge et la plaque métallique du même côté. Des trucs de balles oui. sur son corps. Je sais pas si c'est ce que Terminator avait, mais il y avait aussi une bande sur son corps. Donc, les choses sont placées à la même place. Ben, c'est exactement oui. ça. ce jeu est en partie responsable de la création du système de classification par âge des jeux. Okay. En raison de la violence et des fatalities où on voit exemple Sub-Zero qui arrache le cœur de son adversaire ou qui coupe la tête. C'est assez hardcore, on s'entend, oui, c'est pas ça. Pour les enfants du tout ça. Donc si je me situe bien, ça veut dire qu'avant, il y avait pas de classification d'âge trop parce que peut-être que la violence était moins explicite dans les jeux. Mm-hmm. Donc c'est un peu ce genre de jeu-là et ainsi que d'autres de la même époque qui ont parti ce système-là. Ouais. Merci Mortal Kombat. Ben c'est ça, merci d'avoir fait que les enfants ne peuvent plus se procurer de jeux sans qu'un adulte vienne l'acheter pour eux et lui permette de jouer toute la nuit. Ben, de toute façon, aujourd'hui, les enfants, ils jouent à Grand Theft Auto 5. On s'entend-tu que ça, c'est beaucoup plus direct comme violence et qu'est-ce qu'il peut avoir dans ce jeu-là? Exactement. Mais c'est pas grave. C'est de la violence un petit peu dessin animé, mais quand même, on voyait quand même la colonne vertébrale cassée. Puis, ouais, c'est ça. C'est du sang rouge, pas mal. Il y en avait pas mal. Ouais. Ça dépend, le sang, fallait l'activer. C'est ça. Au Super Nintendo, je pense oui. que Nintendo empêchait tout ça. En tout cas, bref. Exactement. Je vais pas te couper ton contenu. Il y a une façon de débloquer un combat avec le personnage Reptile. Okay. Pour ce faire, il faut réussir deux rondes parfaites sans recevoir de dégâts ou sans bloquer dans le pit stage lorsqu'il y a des ombres qui passent devant la lune. Okay. Donc, c'est toutes ces conditions-là. Donc, si vous réussissez ça, la prochaine ronde va être dans le fond du pit stage. Et c'est un personnage ninja comme Sub-Zero et Scorpion, mais là, il est vert. Il y a les techniques de Sub-Zero et Scorpion mélangées ensemble. Et le nom qui est écrit à l'écran, c'est Scorpion. OK. Mais le personnage, c'est Reptile. Reptile, et sa chanson, est-ce que t'as reconnu? Oui. La chanson de Reptile. Tellement. Hein? Drôle de hasard. Hein? Ceux qui connaissent bien le film vont la reconnaître. Voilà. Donc, c'est ça pour le personnage Reptile qui était caché dans ce jeu-là. Dans le menu... en dessous du texte Reptile Battles, il est écrit Ermac. Cela laissait croire aux joueurs qu'il y avait un autre personnage caché dans le jeu, Ermac. Et il y a même un joueur qui a été jusqu'à publier un article d'une photo qu'il a pris où on voit Ermac, qui est en fait comme les autres ninjas, mais rouge. OK. OK. Et en fait, c'était juste pour un peu taquiner les gens parce que Ermac, c'était seulement un raccourci dans le code pour écrire Error Macros. Ermac. Donc les gens pensaient que vu qu'il était en dessous de Reptile, c'était un personnage caché. Mais non. Donc les concepteurs ont décidé finalement d'en faire un vrai personnage dans Mortal Kombat 3 Ultimate. Mm. Donc Ermac est un ninja rouge avec lequel on peut jouer plus tard, mais ça a parti comme ça. Donc, on en parlait tantôt, c'est possible d'entrer un code pour jouer en mode sanglant. Et qu'est-ce qui est particulier avec le code, c'est que c'est A-B-A-C-A-B-B. Si on lit le mot, ça fait Abacab. Ouais. Et Abacab est le nom d'un album du groupe anglais Genesis. Okay. La console? La console, c'est le Sega Genesis. C'est ça. Alors, j'adore la référence. C'est parfait. Donc, il fallait que je place une référence d'un de mes groupes préférés. Oui, et une de tes consoles, peut-être, de jeux vidéo préférés aussi. Aussi. Exactement. Ça fait partie de ta collection, ça, c'est sûr. Genesis, oui. T'as ça. Oui. T'en as juste une? Oui. Ben, en fait, j'ai le kit complet. Donc, j'ai mon Sega Genesis, j'ai le Sega CD branché dessus, okay. Et j'ai le 32X ajouté sur le dessus aussi. Wow. Donc, t'es équipé, exactement. Oui. C'est ça. Johnny Cage est basé sur Jean-Claude Van Damme. OK. Parce que le jeu Mortal Kombat devait être basé sur un film qui contenait tous les personnages, dont Jean-Claude Van Damme. Et en fait, Van Damme n'était jamais disponible pour venir un peu faire son personnage dans le jeu. Mm-hmm. Parce que tu sais un peu comment ça fonctionne. Ils mettent des gens de motion capture. Ouais, c'est ça. Puis tu fais les mouvements, tout ça. Mais si vous regardez Johnny Cage, il a le même habit et la même posture un peu que Jean-Claude Van Damme dans le film Bloodsport. Je te laisse regarder l'image 3. Oui, à l'instant. Ah oui. Donc, comme tu peux voir, les mêmes shots, la ceinture qui fait un peu de la même manière, et les techniques de combo, le positionnement des mains, c'est similaire un peu. Et la coupe de cheveux, même. Oui, aussi. Et le nez. Le nez, pareil. Je m'attendais pas à entendre parler du nez là-dessus. Tellement superficiel, son nez, pareil. On passe à Mortal Kombat 2 maintenant. Raiden a une fatality exclusive qu'on peut activer avec un code qui est appelé la Fergality. Ok. Il transforme son adversaire en Fergus McGovern qui a travaillé sur le jeu. Je te laisse regarder l'image 4. Un inconnu, on dirait genre la face de Saddam Hussein s'il était content. T'sais. On dirait. Non, mais au moins c'est pas Fergie dans les Black Eyed Peas. Oh, faut non, Fergie ça. Trop, non, là, non, non, ça c'est. Non, vraiment pas. Je préfère Saddam Hussein. T'sais. Oh. T'as trop écouté l'épisode de South Park. Peut-être. C'est pas coté ça, 13 ans et plus ça? Ouais. 18 ans et plus. Ouais, ils ont été jusque-là. Wow. Ermac, ça c'était dans le temps. Je sais pas si aujourd'hui ça l'a baissé vu que les standards ont changé. Exactement. Mais... Tu dis Ermac comme Ermac? On dirait que t'as dit une erreur de ma. Non, je me suis pas rendu compte. Ermac. Oh. C'est ça. On rattache tout à tes précédents films. Exactement. Pour compenser pour la violence des fatalities dans le premier, les concepteurs ont inventé d'autres techniques en fin de combat appelées friendship pour démontrer un acte de gentillesse envers son adversaire. Une communion, un petit câlin, une poignée de main. Exactement, ou exemple Johnny Cage qui est une grande vedette de films d'arts martiaux, il signe un autographe et il envoie ça à son adversaire. Ah, wow. Ouais, c'est magnifique. Donc, évidemment, les gens que ça intéresse, vous marquez ça sur YouTube, vous allez toutes les avoir. Les compilations, puis c'est vraiment tac-tac-tac-tac, oh, tu oui. Pas ton temps. C'est exactement. Ouais. Et comme on a parlé tantôt, ils ont ensuite ajouté aussi les Babality. Oui. Donc, chaque personnage a son mode bébé. Mm-hmm. Donc, on les voit en bébé et c'est possible avec une combinaison de mouvements de les transformer en bébé à la fin d'un combat quand on entend le fameux « finish him ». Étonnamment, dans le jeu, il y a le logo de la WWF qui est caché dans le code. OK. Donc, je est-ce sais qu'il y avait si... une association au départ de prévu puis finalement c'est annulé probablement. Ça pourrait être ça. C'est la seule chose que je verrais, quelque chose de publicité ou mais finalement ça n'a pas abouti. Ouais. Mais ils ont laissé ça là. les concepteurs ont placé dans le jeu des messages pour démentir l'existence d'Ermac. Le personnage de oui, donc en réponse à ce qui est arrivé dans le premier que, avec un peu les rumeurs, et bien dans le 2, les concepteurs se sont gâtés. La version japonaise au Super Nintendo du jeu a été censurée, le sang est vert et lorsqu'un joueur réalise une fatality, l'écran devient monochrome. Ah. Ben oui. Ça leur tentait. Oui. Shao Kahn a dû être modifié pour être plus grand après sa conception en raison de l'acteur qu'il jouait qui était trop petit. Donc c'est ça, donc lui il portait justement les motion capture comme on parlait, et c'est ça, mais vu qu'il était plus petit que la moyenne des gens, ben fallu l'agrandir au moment de la conception. Mm-hmm. Ensuite, les joueurs ont trouvé ce qui semblait être une ninja avec un habit rouge que les gens ont surnommé Scarlett. Ce personnage n'a jamais été trouvé, hein? Finalement. Ouais. Mais je pense que tout récemment, ils ont décidé de l'ajouter dans un des jeux en téléchargement. Ben, c'est une bonne idée, ça. Ben ouais. Si les gens la voulaient, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, surtout quand t'es fait payer. Oui, c'est ça. Exactement. C'est téléchargeable, donc tu leur donnes ce qu'ils veulent. Jax devait être initialement un kickboxer, mais l'idée a été oubliée parce que le personnage aurait eu trop de ressemblances avec d'autres personnages de Street Fighter. Ah. Donc encore d'autres références à Street Fighter. Oui. C'est série rivale, c'est ça, c'est les ennemis de Mortal Kombat, c'est Street Fighter, j'imagine. Ben, les jeux étaient en même temps, c'était deux jeux similaires avec des combats, puis tout ça, donc oui, c'est des rivaux. Oui. Je veux te savoir qu'est-ce que quelqu'un a fait pour se rendre jusque-là. Ah. Une partie de Pong démarre. Oui. Donc les deux joueurs peuvent contrôler chacun avec leur manette le jeu de Pong. Cool. Oui, c'est très très simple. Et quand, à chaque fois qu'il y a un point qui est marqué, on entend le fameux Toasty de Dan Foran. Ça c'est cool, c'est mon but préféré du jeu ça. Ouais, donc moi la vidéo que j'ai regardée sur YouTube hier, il est arrivé une séquence où il y a eu 3-4 points d'affilée parce que je pense qu'un des deux était inattentif. Et ça a fait le Toasty, mais vraiment à la chaîne ça arrêtait plus. Génial. J'ai trouvé ça hilarant. Dans le niveau Pit 2, il y a deux personnages qui combattent en arrière-plan. Donc très loin, on voit deux petits personnages. Les gens les ont surnommés Hornbuckle et Torch. Okay. Les fans ont beaucoup d'imagination. Ouais. Le premier est en fait Liu Kang avec sa palette de couleurs changée. Okay. L'autre est un personnage qui a fait son entrée dans Mortal Kombat Deadly Alliance. Donc encore une fois, répondre à la demande des fans, ils en ont fait un personnage. C'est bien ça, t'as même pas besoin d'inventer de personnages, tu laisses les fans partir des rumeurs puis tu leur sors qu'est-ce qu'ils ont le goût d'avoir. Ouais. Kintaro devait être un jouable et avoir l'allure d'un tigre. Alors qu'on sait très bien que Kintaro a été fait dans le même format que Goro, donc avec quatre bras et étant vraiment un monstrueux. Mm-hmm. Sa conception a été changée parce que les concepteurs arrivaient pas à faire les graphiques zébrés. Ok. Donc ils ont dit on laisse faire, on met j'abandonne, d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ben donc oui. Dans les versions plus récentes, Kintaro a été fait. Okay. Finalement plus avec plus allure d'un tigre. On est capable de faire ça en 2014. Oui. On est rendu à Mortal Kombat 3. Oh, ça avance. Oui, ça va bien mon affaire. Deux tiers de fait, ben oui. dans le jeu, les concepteurs ont ajouté l'animality. Donc chaque personnage maintenant peut se transformer en animal et faire quelque chose d'horrible à son adversaire. Mmh. Donc au moment que vous finissez le combat. Et ça, c'est parti d'une rumeur encore de fans, parce que les gens pensaient que le personnage Scorpion pouvait vraiment se transformer en Scorpion. Scorpion. Et voilà. La voix de Shao Kahn a été faite par Steve Ritchie, qui est un concepteur de jeux de pinball. Tu sais, avec les deux palettes. Là, ouais. Et une balle. Donc lui, c'était ça son travail. Et finalement, c'est devenu la voix de Shao Kahn et sa phrase que moi me frappe le plus, que je trouve que c'est la meilleure, c'est vraiment quand il prend sa grosse voix, il fait comme « Don't make me laugh! » Mes grands talents d'imitateur. Mais en fait, j'ai le vrai audio, fait que je peux plus le faire jouer. Est-ce que ça va être plus menaçant un petit peu que le tien, juste à peine? Ça se peut! Ok, j'ai hâte d'entendre. « Bow to me, that was pathetic. Feel the power of Shao Kahn. You weak, pathetic fool. Don't make me laugh. » You will die, mortal. Fatality. Flawless victory. Finish him. All too easy. Prepare to die. Hey. J'aime bien avec le prepare to die. En fait, je pense que tu l'as mieux que lui, là, genre, on dirait. Ben, lui, ça a été fait par ordinateur. Moi, j'y vais très naturel. C'est ça se peut, mais non, ouais. Tu l'as bien. Ok, ouais. Merci. Ceci est. Ouais. J'ai de me trouver un nouveau talent aujourd'hui. Ouais, ouais. Je vais être la prochaine voix de Shao Kahn. Des items non utilisés dans le code laissent croire que les ninjas masqués auraient dû être jouables dans le jeu. Il y a juste Scorpion qui l'est. Sub-Zero, c'est une version démasquée. Okay. Dans Mortal Kombat 3. Donc, il y a des animations pour Ermac, Sub-Zero, masqué, et Smoke. Donc, tous des personnages qui sont apparus dans d'autres jeux plus tard, sous forme de ninja avec des couleurs différentes. Okay. Si vous performez une friendship avec Nightwolf, il va se transformer en Raiden qui joue sur un arcade de Mortal Kombat 2. Hein? Il va dire aussi « Je n'ai jamais vu de transformation de Kano ». Donc, je te laisse regarder l'image 5 où on voit très clairement Nightwolf qui est transformé en Raiden en train de jouer à un arcade. Et tu vois le message écrit en bas. Et ça, ça fait référence parce que Kano n'était pas dans Mortal Kombat 2. Il est dans le 1 et dans le 3. Et les gens ont pensé qu'il était dans le code et qu'il a été éliminé par après pour faire de la place à d'autres personnages. Shang Tsung, lui, peut se transformer en tous les personnages. Et il y a des fans qui ont dit qu'ils ont oublié de retirer la transformation de Kano à Shang Tsung. Donc, il pouvait se transformer en ce personnage-là, même s'il n'était pas disponible dans le jeu. Okay. Mais finalement, c'était pas vrai. Faux. Et voilà, encore une belle rumeur. Et dans le troisième jeu, les concepteurs ont décidé d'encore faire une référence à ça. Ils aiment ça, titiller le monde. Pis, tellement. Ouais. Moi, j'apprécie vraiment ce genre d'attention aux détails. Moi aussi, ça me fait faire des belles chroniques. Ben, mais ça. Si on observe la banque dans le niveau Street, on peut voir des Pac-Man gravés dans le haut de la façade. OK. Les vrais Pac-Man, pas une imitation avec la bouche à l'envers, ou genre, c'est le vrai. Non, non, le vrai. Ouais, dans le bon sens. Là. Okay, clairement, okay. C'est comme un effet miroir, donc okay. Il y en a dans les deux sens. Là. Okay. Mais un peu la muraille en haut, tu vois, c'est des ronds qui agrandissent. Mais les deux derniers, au bout, qui sont les plus grands, tu vois clairement que c'est des Pac-Man tout le long. Eh ben. Ouais, c'est ça. Pac-Man, c'est. Je disais à peu près n'importe quoi. C'est qui? C'est Namco qui fait ça, Pac-Man? Je pense que oui. Alors que ça, c'est Midway qui fait Mortal Kombat. Oui. Donc, pas la même compagnie. Il n'y a pas eu de promotion croisée entre les deux. Je pense que c'était juste un petit ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est subtil, là. Ouais. Je sais même pas comment il y en a qui ont fait pour voir ça. Moi, j'ai jamais remarqué ça. De toute façon, je t'occupais à regarder mon combat, pas la façade de la bâtisse ben oui. dans le fond d'écran. la silhouette dans le code. Qui semble faire référence au personnage Noob Saibot, qui a fait son apparition à partir de Mortal Kombat 3 Ultimate. En fait, c'était tout simplement une version noire du personnage Kano. Okay. Donc, encore une fois, c'est des fans qui spéculaient n'importe quoi. Mm-hmm. Et il aime ça faire ça, ouais, c'est n'importe ça. Quoi. Et ma dernière, que j'adore particulièrement, les personnages Cyrax et Sector, donc les deux robots, leur nom était initialement Mustard et Ketchup parce que Cyrax est jaune et Sector est rouge. Ah, c'est parfait ça. Et quoi là ou quoi là pas, les concepteurs ont décidé de ramener ce concept là en nommant des noms de techniques qui contenaient les mots ketchup et moutarde pour faire référence à ces vieux noms là. C'est mature. Alors voilà, et je suis vraiment content que quand que j'ai fait mention de la couleur verte, t'as pas fait d'allusion à Shrek comme t'as fait hier à l'impro. Ah, j'ai fait ça moi, c'est vrai, parce qu'on avait des thématiques vertes à l'impro hier. Oui. Pour le bac vert. J'ai parlé de sang vert aujourd'hui. C'est ça, j'ai parlé de Shrek. Ouais, merci, c'est pas ma meilleure. Merci monsieur Relish lui-même. Ouais, Samuel Girard, je sais pas. Je complète le trio. T'es très cornichonné. Oh wow. Ouais. Alors voilà, c'est ce qui complète Mortal Kombat et évidemment là, ça va jusqu'à 10. Fait que peut-être qu'à un moment donné, j'ai parlé de Mortal Kombat 4, j'ai parlé de Mortal Kombat Ultimate 3. Mm-hmm. Y en a plein. Fait que peut-être que je reviendrai là-dessus pour une prochaine chronique éventuellement à parler de d'autres. Parce qu'il y en a à la tonne, les affaires. Ce serait bien plaisant de t'en reparler, ça, Samuel Girard. On t'écoute les lundis matin. Oui. À l'émission Génie en Liberté, il reste une émission, deux émissions. Une émission qui est invitée. Normal. La dernière émission du 15, c'est je fais une rétrospective de la session. Ouais. Donc je reviens sur toutes mes invités, tous mes sujets. Fait que ça va être très plaisant, ça va rappeler de bons souvenirs en même temps des trois derniers mois et demi environ. C'est parfait, donc ça va être les lundis à 9h30. Oui. Pour le reste de la session d'automne, donc on te remercie Samuel Girard. Normalement je devrais avoir une dernière chronique avec toi le 16. Le 16, oui, parce qu'on est autour de deux semaines, t'as raison. Oui, donc dans deux semaines ça tombe le 16. T'as raison. Donc il m'en reste une. Une seule chronique pour toi. Oui. Ouais. Ah ben, on va vivre sans toi l'autre semaine. Ouais, c'est ça. Dans deux semaines, merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir. On écoute le reste de cette chanson, de cette trame sonore de Mortal Kombat 2. La musique du jeu sur arcade. On écoute ça, puis on revient juste dans quelques instants avec Television. Merci. temps. une pièce de la trame sonore de Mortal Kombat 2, Music from the Arcade Game Soundtrack dans le Mathieu Plante Show. Évidemment, parce qu'on a parlé de Mortal Kombat avec Samuel Girard tout à l'heure et on se retrouve dans deux semaines. Maintenant, c'est le moment de continuer. On fait commencer avec ma première chronique à moi. Voici Television, Television. C'est Télévision, Télévision, la chronique où on parle des nouvelles du monde de la télé au Québec, au Canada et ailleurs, bien sûr. Commençons au Québec avec la grosse nouvelle qui marque le domaine. En fait, c'est via la presse et la presse canadienne. La directrice générale des programmes de Télé-Québec, Dominique Chaloux, quitte la Société d'État québécoise pour se joindre à Radio-Canada. Elle remplace donc Louise Lantagne, qui a quitté en septembre dernier la télévision publique pour la compagnie de production privée Attraction Image. Madame Chaloux, bon, ici je cite, a réussi à donner un nouveau souffle à la programmation de la télé publique québécoise dans un contexte financier difficile. Elle a su créer et renouveler la grille de Télé-Québec afin d'offrir une programmation diversifiée et distincte. Je suis convaincu qu'elle sera assurée à Radio-Canada à titre de directrice générale de la télévision, une continuité dans l'audace, la diversité et les valeurs du service public, a affirmé par voie de communiqué le vice-président principal de Radio-Canada, oui, Louis Lalande. Madame Chaloux, qui avait été directrice du secteur culture et variété de Radio-Canada de 2004 à 2009, poste qu'elle avait quitté pour fonder sa maison de production, la boîte de prod, c'était son nom. Dominique Chaloux donc occupe son poste actuel à Télé-Québec depuis 2012. Elle a notamment développé les émissions Les Bobos, Deux Hommes en Or, SNL Québec et 125 Marianne, quand même, je dirais, pas mal des succès, cette histoire-là. Donc, elle a dit se joindre à l'équipe de direction de Radio-Canada avec beaucoup d'enthousiasme, soulignant qu'avec ses équipes, elle a toujours cherché à développer une programmation de services publics audacieuse et diversifiée à travers des dramatiques, des variétés et des émissions jeunesse dans lesquelles les auditoires se retrouvent et se reconnaissent. Elle va entrer en fonction le 6 janvier prochain. J'ai hâte de voir quand même si elle va réussir à attirer peut-être des gens qui travaillaient pour elle à Télé-Québec à Radio-Canada ou s'il va y avoir le même genre d'émissions qui vont commencer à être diffusées à Radio-Canada. On va voir. Pour rediffuser de Télé-Québec à Radio-Canada, juste être ensuite le mot diffusé. Vous avez peut-être aussi entendu parler de ça, mais j'ai pas mal de choses à en parler, étant donné qu'on est au Mathieu Plante Show et que les choses geeks nous intéressent, Musique Plus que laisser tomber, Monsieur Net. Article de la presse ici. Denis Talbot, l'animateur à la barre de Monsieur Net sur les ondes de Musique Plus depuis 16 ans, ne reviendra pas en ondes au retour des fêtes. C'est le principal intéressé qui a publié sur Twitter l'information en premier lieu. Donc, choc, Monsieur Net ne fait pas partie des plans de V, qui est nouvellement propriétaire de la station. On suit dossier depuis plusieurs mois. Donc, leur dernière émission sera le 19 décembre. 16 ans et 2409 émissions. Elle dit ça a été le fun. On voulait atteindre les 2500 shows, dommage. Donc, Denis Talbot, qui travaille pour Musique Plus depuis plus de 25 ans, c'est une figure emblématique de la chaîne. Quelques heures après l'annonce de la disparition de l'émission, une page Facebook Sauvons Monsieur Net a été créée, rassemblant... Quand on est rendu à combien? On va aller voir le chiffre en direct. 20 000, presque 100 personnes. 20 786, pour être exact. Le principal intéressé ne semble pas se faire d'idée quant à la survie de son émission. Donc, il dit « Animateur mature cherche un emploi, contactez-moi », tu l'écris sur Twitter. C'est ça. Présentement, les gens demandent à ce que Z récupère l'émission. On l'espère tous. Le hashtag est « Sauvons Mnet » et la page Facebook est « Sauvons Monsieur Net ». Voilà. Maintenant, on passe au Canada anglais. Roy Dupuis et Patrick Yvon partagent la vedette d'une première québécoise et internationale. C'est Missing, un suspense interactif, une œuvre à mi-chemin entre la série télé policière et le jeu vidéo d'aventure. Fondé en 2011 par deux anciens d'Ubisoft, le studio Zandel Media vient de mettre en vente sur... Moins préparé que d'habitude, vous l'avez peut-être compris depuis les dernières semaines, mais quand même, c'est une application mobile sur l'Apple Store. Voilà. Donc, la première au monde à combiner des scènes cinématographiques et de jeux vidéo pour tablette numérique. C'est ça. Donc, allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Le résultat est un jeu vidéo de grande qualité visuelle porté par des acteurs de grand talent. Donc, le spectateur-joueur découvre David, joué par Patrick Yvon, menotté dans une cellule. Une de sa tablette iPad, Android ou Amazon, il doit trouver du bout des doigts comment libérer le kidnappé et épauler Sam, qui est Roy Dupuis, dans son enquête sur une série de disparitions. Maintenant, un nouvel épisode de la série The Fifth Estate. C'est un peu l'équivalent d'enquête sur la CBC au Canada anglais. Donc, remet en question l'enquête interne de la CBC sur Gian Gomeshi, l'employé de l'émission Q, disant que sa foi envers le diffuseur public a été ébranlée en raison de ses doutes sur l'investigation, nous dit la presse canadienne. Le populaire magazine du réseau anglais de Radio-Canada, dans une émission diffusée la semaine passée intitulée « The Unmaking of Gian Gomeshi », se penche sur la gestion par la direction de la CBC des allégations de violence sexuelle contre Gian Gomeshi alors qu'il était encore animateur de l'émission Q. La direction de la CBC et son département des ressources humaines ont lancé une enquête sur Gillian Gomeshi en juillet après la réception par un employé de Q d'un courriel d'un journaliste posant des questions sur le comportement de l'animateur. L'enquête n'a montré aucune preuve d'harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Une transcription de l'épisode animé par Gillian Finley indique que quasiment tous les employés ayant travaillé pour Q durant l'été, donc 17 au total, ont dit ne pas avoir été approchés ou questionnés par la direction de la CBC dans le cadre de leur enquête interne. Le porte-parole de la CBC, Chuck Thompson, a néanmoins soutenu que les employés de Q avaient été questionnés dans le cadre de l'enquête très approfondie qui s'attardait aussi au dossier d'employés de Gillian Gomeshi et qui recoupait son nom avec des plaintes en milieu de travail. En entrevue avec la presse canadienne, M. Thompson a fait valoir que ses employés devaient être questionnés de manière discrète pour ne pas porter atteinte à la réputation de l'animateur. L'ancien animateur de l'émission Phare Q a été congédié par la CBC le 26 octobre. Le diffuseur public a alors plaidé qu'il avait pu avoir, qu'il avait pu voir des preuves explicites de blessures physiques infligées à une femme. Donc, il a été accusé sous 4 chefs d'agression sexuelle et libéré sous caution. Voilà. Il y a une convention de Hello Kitty qui s'en vient. Pour ceux que ça intéresse, à Vancouver, le populaire personnage de dessin animé japonais Hello Kitty va avoir sa première tournée en Amérique du Nord. On va faire un arrêt à Vancouver du 17 au 19 juillet 2015. C'est Hello Kitty's Super Cute Friendship Festival qui va avoir, entre autres, des expressions artistiques, de l'animation, de la marchandise et des opportunités de prendre des photos avec Hello Kitty et le reste de son dessin animé de Sanrio. Donc, on s'encourage, évidemment, on encourage les gens à se déguiser, à faire du cosplay. Aux États-Unis maintenant, la poursuite du bonheur et une relation dangereuse connaîtront prochainement une adaptation télévisée, chacune destinée à une audience internationale, selon Variety. Romancier américain et francophile Douglas Kennedy remaniera deux de ses ouvrages pour leur passage au petit écran. Pour la poursuite du bonheur, l'auteur s'impliquera dans l'écriture des 8 épisodes qui seront tournés en Angleterre dans la langue de Shakespeare avec une distribution anglo-saxonne. Paru en 2001, le roman plongeait les lecteurs dans l'Amérique d'après-guerre et les années noires du McCarthyisme. Kate Malone, fraîchement divorcée, découvrait à l'enterrement de sa mère un terrible secret de famille. Une relation dangereuse prendra la forme de deux téléfilms de 90 minutes et mêlera les nationalités. Une journaliste française rencontrera un homologue britannique. Très rapidement, elle décide de se marier, d'acheter une maison et d'avoir un enfant. Mais l'idylle parfaite va rapidement tourner au cauchemar à l'arrivée du bébé. Les deux projets seront produits par AB Group et le producteur Sidney Gallonde, déjà au travail sur Une chance de trop, l'adaptation du roman Darlene Coben, qui se tourne actuellement pour TF1 avec Alexandra Lamy dans le premier rôle. Douglas Kennedy possède à son compteur 11 romans traduits en 22 langues. Il a été adapté au grand écran avec L'homme qui voulait vivre sa vie d'Éric Lartigo avec Romain Duris et Marina Foy. Désolé pour les prononciations. Et la femme du VEM qui réunissait Kristen Scott Thomas et Ethan Hawke. C'est plus facile pour moi les noms quand ils sont en anglais, on dirait. Hein? Là, je pense que c'est vrai qu'on va être aux États-Unis. Parce que la précédente, j'avais dit ça, puis c'était pas vrai du tout. Donc, attendu début 2015 sur NBC, la série Unbreakable Kimmy Schmidt sera finalement diffusée par Netflix en mars prochain. En fait, c'est pas de la télé américaine, c'est du Netflix. Laissez faire les ordres des affaires, on va juste faire des nouvelles. Ça vous va dessus, ça? Donc, on annonce, c'est la chaîne qui a annoncé ça, NBC, et le service de vidéo en ligne Netflix. Donc, Netflix qui se positionne une nouvelle fois en grand sauveur télévisuel. D'habitude, la compagnie récupère des séries abandonnées par les chaînes après quelques saisons de diffusion, mais cette fois-ci, Netflix frappe encore plus fort en reprenant à son compte une comédie qui n'a encore jamais été programmée et en lui accordant directement une deuxième saison. Produite par Tina Fey, Unbreakable Kimmy Schmidt suivra la nouvelle vie de Kimmy, jeune femme qui décide de refaire sa vie à New York après 15 années passées dans une secte. Elle trouve alors un travail de nounou pour une riche mère de l'Upper West Side. Vue dans la série The Office, Ellie Kemper va tenir le premier rôle de cette comédie, secondée par Jane Krakowski, qu'on connaît pour la série 30 Rock, qui était aussi par Tina Fey. La série devient la deuxième nouveauté de la mi-saison abandonnée par NBC après Mission Control. La chaîne se garde en revanche le final de Parks and Recreation, One Big Happy de Ellen DeGeneres, Mr. Robinson avec une autre vedette de The Office, The Slap, Ellie Legends, Odyssey et Aquarius s'en viennent dans un futur plus ou moins rapproché sur NBC. La nouvelle série télévisée de John Stamos, moins bonne nouvelle de ce côté-ci, a été annulée avant même sa première diffusion. L'acteur devait jouer dans Members Only, une œuvre dramatique qui devait être diffusée sur la chaîne NBC en 2015. Cependant, les responsables de la chaîne ont décidé d'annuler la série, même si toute la saison avait déjà été commandée en janvier. John Stamos y jouait un milliardaire, membre de Country Club du Connecticut, et Natalie Zia y jouait sa femme. Cette série avait été créée par Susanna Grant, à l'origine du film Erin Brockovich. David O. Russell devait écrire le scénario et produire la série, mais s'était retiré du projet en février. C'est triste, une série qui n'a même pas la chance d'être diffusée une fois. Les deux actrices oscarisées, Nicole Kidman et Reese Witherspoon, se donneront la réplique dans l'adaptation au petit écran de Big Little Lies, le dernier roman de l'Australienne Leanne Moriarty, selon le Hollywood Reporter. Paru en juillet dernier, Big Little Lies raconte comment les parents d'élèves d'une petite école primaire seront secoués par le meurtre de l'un d'entre eux pendant une fête scolaire. L'histoire s'attarde plus particulièrement sur trois mères à la vie parfaite en façade, donc Madeline, divorcée avec deux filles, Céleste, une très belle femme, mère de deux garçons turbulents, et Jane, une jeune mère célibataire nouvelle en ville. Rien n'indique encore quel rôle tiendront Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Rare à la télé, les deux stars officieront. Bien ça. Également comme productrice aux côtés de l'auteur Leanne Moriarty, écrite par David E. Kelly, le créateur de tellement de séries dont Ally McBeal, la mini-série se destinerait à une chaîne du câble premium tel HBO. Tell HBO. Showtime et Stars ou à un service de streaming dans le genre de Netflix, Amazon ou Hulu. Big Little Lies qui va offrir un format compatible avec l'emploi du temps des stars hollywoodiennes, comme l'ont prouvé récemment True Detective ou Fargo avec tout plein de vedettes. Elles sont rarement passées à la télé, Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Rarement. Sauf quelques petits rôles, entre autres dans Friends pour Reese Witherspoon. Héroïne de la nouveauté How to Get Away with Murder, l'actrice Viola Davis devient désormais productrice pour la chaîne américaine. Elle s'impliquera dans le développement de Conviction, une série judiciaire basée sur la vie du procureur Kim Worthy, selon Deadline.com. Vu l'accueil positif réservé à How to Get Away with Murder depuis le 25 septembre dernier, ABC continue dans le genre judiciaire. La chaîne prépare pour la saison prochaine Conviction, une série centrée sur une puissante avocate. Le projet s'inspira de la carrière de Kim Worthy, deuxième femme afro-américaine à décrocher le poste de procureur dans le Michigan en 2004. Connue pour sa dureté, elle a été en charge de multiples affaires très médiatisées. Actrice de cinéma, on la connaît pour La couleur des sentiments, voilà. Viola Davis est passée depuis peu à la télé, elle est à la tête d'affiche de l'émission dont j'ai parlé, et j'ai dit trois fois le titre, How to Get Away with Murder, nouveauté dans laquelle elle incarne une avocate et professeur de droit dont les élèves se retrouvent impliqués dans une histoire de meurtre. Voilà. On a parlé de True Detective précédemment, et bien les actrices Rachel McAdams et Kelly Reilly rejoignent Colin Farrell et Vince Vaughn à la distribution de la très attendue deuxième saison de True Detective annoncée HBO. HBO qui avait déjà indiqué en septembre que la nouvelle saison de sa série policière serait tournée en Californie, alors que la première saison, qui a reçu un accueil triomphal en début d'année, avait pour décor les bayous de la Louisiane. La chaîne a donné naissance aux séries cultes comme Les Sopranos, Sex and New York et un paquet d'autres. Ils avaient ajouté que Colin Farrell et Vince Vaughn seraient les vedettes des prochains 8 épisodes d'une heure chacun et qui mettront en scène 3 policiers et un criminel qui doivent évoluer dans un réseau de conspiration après un meurtre. Donc la chaîne payante a précisé que Rachel McAdams jouerait le rôle de Annie Bezeridis, une détective du comté de Ventura dont l'éthique inébranlable la met en décalage avec ses collègues et le système qu'elle sert. Donc, la Canadienne de 36 ans, qu'on connaît pour Minuit à Paris, Garçon sans honneur, etc., donnera la réplique à Vince Vaughn, qu'on connaît aussi de Garçon sans honneur. Il interprétera Frank Semion, un criminel qui risque de perdre son empire au moment où sa reconversion dans une entreprise légale est menacée par le meurtre de son collègue d'affaires. Colin Farrell, 38 ans, interprétera le personnage principal Ray Velcoro, un détective compromis et déchiré entre ses allégeances à ses chefs de police corrompus et aux mafieux qui le tiennent sous leur coupe. L'acteur irlandais, bon, connu entre autres pour Rapport minoritaire. Kelly Reilly, comédienne britannique de 37 ans qui tenait la vedette de L'Auberge espagnole et Les poupées russes de Cédric et Clapiche, incarnera la femme de Frank Semion. Jordan, une ex-actrice de série D qui participe pleinement aux activités et ambitions de son mafieux de mari. Il y a d'autres rôles de casting plus ou moins importants, mais le Canadien Taylor Kitsch, entre autres. Les deux premiers épisodes de la nouvelle saison sont dirigés par le réalisateur taïwanais Justin Lin, série qui a été créée et produite et écrite pardon, par Nick Pizzolatto, qui avait reçu 7 nominations aux derniers Emmy Awards. Le redémarrage, si on veut, comment dire, le reboot de Reboot, enfin eu son titre. Vous connaissez Reboot peut-être sous le nom de Megabug. Donc, enfant des années 90, vous allez évidemment reconnaître le nom. Rainmaker Entertainment qui développe donc le redémarrage de Reboot ou Megabug via sa division Mainframe vient de sortir le logo et le titre. Ça va s'appeler Reboot The Guardian Code. Ah oui. Donc, pour les fans de la série originale, le titre est une allusion double à un des éléments centraux de l'univers de Reboot. Donc, les gardiens, comme le personnage de Bob dans l'émission originale, donc, il est construit à partir d'un code très puissant qui lui permet de résister au virus et de guérir les autres. Mais les gardiens ont aussi un autre code important qui est de défendre les gens. Donc, The Guardian Code, c'est le code des gardiens, le code de vie, si on veut, des gardiens. Donc, tout ça, l'émission Megabug va être réimaginée pour le 20e anniversaire de l'émission d'origine, qui a débuté, oui, en 1994. Donc, officiellement, on peut dire qu'on a l'âge de connaître, puis qu'on commence à être vieux un petit peu. Donc, le logo et le titre révélé, allez le voir sur assemblagerequis.com. Il y a même une petite bande-annonce, en fait, pour un film qui ne s'est jamais matérialisé, qui est public en ce moment et que tout le monde se partage. Donc, la bande-annonce d'un film de 2008 qui n'a finalement pas abouti. Ensuite, voilà, c'est tout. C'est déjà tout pour Television. Il nous reste les codes d'écoute avec lesquels on termine cette chronique-là d'habitude. Donc, commençons par les gens du Québec. Du Québec. Ce qui est tentant pour nous, c'est quand même de savoir que toutes les émissions de qualité plus ou moins élevée sont regardées par une grande quantité de gens. Donc, position 15 à 6 et Complexe G. Sur l'invitation seulement, Les Parents, La Pelouse d'Or, Au Vlog, Mémoire Vive, Les Enfants de la Télé, Les Pêcheurs et Au Secours de Béatrice. En 5e, c'est Yamaska. En 4e, Toute la Vérité. En 3e, Tout le monde en parle. 2e, Le Banquier. 1e, Unité 9. Au Canada anglais, 15 à 6, Once Upon a Time, Chicago Fire, Person of Interest, The Blacklist, How to Get Away with Murder, The Flash, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., CSI, Survivor San Juan et Castle. En 5e, Gotham, 4e, NCIS, New Orleans. En 3e, Criminal Minds. En 2e, NCIS. Et en 1e, c'est The Big Bang Theory. Voilà. C'est tout pour les codes d'écoute et pour Television. Dans quelques instants, ce sera Merci Science. On va remercier la science d'exister parce que Colin, qu'est-ce qu'on ferait sans elle, hein, dans bien des cas. Mais avant ça, on s'en va entendre une chanson. C'est pas nécessairement du chiptune que je vous présente dans ce cas-ci. Quoi qu'à date, tout ce que je présente, je le présente un peu tout croche puis c'est finalement le contraire de ce que j'ai dit. Mais bon. Non, en fait, ce qu'on écoute, c'est un remix hip-hop par Too Mellow. Tout à l'heure, plus tard dans l'émission, on va commencer une nouvelle série sur, encore une fois, vous allez me dire, c'est un peu redondant, répétitif, c'est toujours la même chose, mais de la musique de Donkey Kong Country, parce que quand même, c'est ma passion. Hein, c'est ça. Pour commencer, avant de faire ça, un petit remix d'une chanson de la trame sonore de Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, mais version rap par Too Mellow. C'est cool, quand même. Moi, j'ai trouvé bon. Apparemment, je suis la personne qui aime le plus le hip-hop assez fou en ce moment, parce qu'il y a personne qui aime ça. T'sais. Absolument personne. On écoute ça. La barre est très très basse. More punch than your bowl of juice, and ain't nobody more jiggy than us. Stuff is so rough, it causes hair rush like wool. Give it to me, bring it here. Don't stop, girl, shake it here, shake it there. Let money market off your new year. We off the chain for the whole year. So if you look good with a big old butt, live in your own crib and make your own bucks. Hit me up, TreyPlus.com, and tell me where you from. Smoke out, choke out, we get off the chain like we just broke out. You don't know about me, J-Dot. When I come through, all the haters get hot. Cause I got more hoes, more gang, more cheese in the bank, more rain. My dogs on dubs, yours ain't. My dogs do whatever, yours ain't. Cause them niggas, that's gon' make you get up out your seat and get down. Yeah, okay, we take it to the house. M.I.A., take it to the house. This is the way we take it to the house. Take it to the house, take it to the house. 305, take it to the house. We got that vibe, take it to the house. Slip and slide, take it to the house. Take it to the house, take it to the house. Hey, play with it, yo, it ain't no stopping it. It's an instant, we rock, rock, rockin' it. We gon' knock it and do our thing. Taking all the rings, I got Trey Plus, the beat, and much guts, and a two-stop with the noodles non-stopping. Lost tracks on the side, just vibing, and JB gon' fall with me. And Hook T, Double D, he up in an excursion, swerving all on the curb with a virgin. And I'm Trina, you heard my name, I'm still the baddest, and the damn thing changed. Now it's gotta get down with your boy CEO. It's me, Money Mark, the big freak show. Niggas recognize, hold true, when I creep through the room, when the slip is not cool. Give me room, cause I'm up by a man. I get you broke, you can lose the stand. Trey Plus, then we're running into the stair. Fuck with this, baby, you will. Cause we them niggas, that's gon' make you get up out your seat and get down. Yo, okay, we take it to the house. M.I.A., take it to the house. This is the way we take it to the house. Take it to the house, take it to the house. 305, take it to the house. We got that vibe, take it to the house. Slip and slide, take it to the house. Take it to the house, take it to the house. One, two more bottles of Chrissy Chris and get drunk pissy while you're listening to this. All your rookie ass nigga, don't try this shit. Some bust ass nigga can't buy here. Give me a break and a beat, I can vibe with. Nick Quest video with a 5-bit. About 55 spins and a mic check and your play my shit. I never had sex that cost it. I fuck so much I'm exhausted. And this new shit I'm flossing. I got that cause I'm back with the Dolphins. Slip a slap and take it to the high. New hot shit for you to ride out. For the nigga that died, there was nothing left. Yo, hoe must think we something else. Fuck fame, we out to get paid. Born and raised in the county of Dade. Cause we them niggas that's gon' make you get up out your seat and get down. Yo, play, we take it to the high. Take it to the house. This is the way we take it to the house. Take it to the house. Take it to the house. 305. Take it to the house. We got that vibe. Take it to the house. Take it to the house. Take it to the house. Take it to the house. Take it to the house. been a firm. C'est Sign Wrath par Inverse Face sur l'album The Chipping of Isaac. Ça a quelque chose de particulier, ça, c'est une trame sonore en fait. C'est une réinterprétation de la trame sonore du jeu The Binding of Isaac. Donc on prend la musique de Binding of Isaac, on mélange avec un jeu Nintendo. On s'imagine si c'était une pièce sur la Nintendo. Donc c'est l'artiste Inverse Face qui fait ça. Vous pouvez le retrouver sur Bandcamp. Son vrai nom c'est Danny Baranowski. Elle reprend la pièce qui sert d'intro, les boss, même la petite boutique d'achat. Donc, tout est là-dessus. C'est super cool. Il va même faire les pièces des extensions du jeu, dont Wrath of the Lamb. Lamb, oui, qui s'en vient. Et voilà. Donc, plus tard, c'est ça. Là, ce qu'on entend en ce moment, c'est la pièce suivante, c'est APU State. Mais c'est pas là-dessus qu'on va continuer, malheureusement, parce qu'on a d'autres contenus à faire. Donc, continuons avec Merci Science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec des chercheurs en psychologie qui se sont penchés sur le cerveau de musiciens classiques et ont établi pour la première fois un possible lien entre la pratique musicale et une meilleure mémoire à long terme. Je cite, « Nous savons que les personnes ayant suivi une formation musicale réussissent à analyser du matériel linguistique plus rapidement que les non-musiciens et des études précédentes avaient également montré que les instrumentistes affichaient une meilleure mémoire de travail. » C'est ce que s'explique le professeur assistant à l'Université du Texas de Arlington, Hee Kyung Park, en parlant des résultats d'une étude présentée à l'occasion du congrès annuel de la Society for Neuroscience à Washington. À noter que le terme mémoire de travail est utilisé en psychologie, oui, pour faire référence à la mémoire à court terme qui permet à chacun de maintenir des informations pendant plusieurs secondes. Grâce à différentes technologies, dont l'électroencéphalographie, le G, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ça c'est l'IRMF, et l'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle, donc l'ISPIF, les chercheurs ont mesuré l'activité électrique des neurones de 19 participants, parmi lesquels 14 musiciens avec au moins 15 ans d'expérience musicale. Ils ont testé leur mémoire à court terme en leur montrant des images et en mettant en place des exercices oraux. Lors d'une deuxième phase, leur mémoire à long terme a été vérifiée en leur montrant des images, les mêmes images pardon, et d'autres inconnues, en leur demandant de préciser lesquelles étaient nouvelles. Je cite, « Nous voulions savoir s'il y avait des différences entre les tâches verbales et picturales et si quelques bénéfices pouvaient se retrouver sur la mémoire à long terme. Si on arrivait à prouver leur bien fondé, est-ce que ces bénéfices pourraient représenter une possibilité d'intervention à explorer pour les personnes souffrant de problèmes cognitifs? » Les différents scanners ont montré que les musiciens traitent les réponses dans les lobes frontal et pariétal et de manière distincte des personnes ne pratiquant pas la musique. Les instrumentistes enregistraient de meilleurs résultats que leurs pairs à la fois lors des tâches picturales et verbales en lien avec la mémoire de travail et leurs résultats de G ont montré qu'ils affichaient une réponse neuronale plus rapide. Lorsqu'ils ont testé leur mémoire sur le long terme, les musiciens ont enregistré de meilleurs résultats, mais seulement sur le volet pictural et non pas le volet oral. Hein? C'est bon, ça? Les scientifiques du Centre universitaire de santé, c'est le seul commentaire que j'avais de pertinent. Hein? C'est bon, ça? J'ai rien à dire. Les scientifiques du Centre, c'est quand la nouvelle est bonne, je pourrais aussi arrêter de m'interrompre moi-même pendant que je fais mon intro de l'article, mais je trouvais que c'est un article intéressant. C'est ça que je voulais dire. Les scientifiques du Centre universitaire de santé McGill ont identifié une molécule dont la suppression chez les souris améliore le fonctionnement cérébral et la mémoire. On reste dans le même domaine. Je cite encore, nos résultats démontrent que le cerveau contient une protéine importante qui limite la production de molécules nécessaires à la formation de la mémoire. C'est ce qu'explique le Dr. Keith Murray, neuroscientifique de l'IRCUSM, CUSM, auteur principal d'une étude publiée dans la revue Cell Reports, et professeur agrégé au département de neurologie et de neurochirurgie de l'Université McGill. Nous avons constaté que lorsque cette protéine qui agit comme un frein est supprimée, le cerveau est capable de stocker plus d'informations. S'appuyant sur de précédentes recherches dont les résultats ont démontré que la production de nouvelles molécules était nécessaire à la conservation des souvenirs, le docteur et ses équipes ont utilisé une souris témoin pour examiner la manière dont la modification des connexions neuronales agissait sur la formation de nouveaux souvenirs. Les scientifiques ont découvert qu'une protéine du nom de FXR1P, Fragile X-Related Protein 1, empêchait la production des molécules nécessaires à la formation de nouveaux souvenirs. Quand cette protéine est éliminée de façon sélective de certaines parties du cerveau, de nouvelles molécules sont produites, renforçant les connexions entre les cellules et améliorant ainsi la mémoire chez les souris. Le rôle de la protéine les surprend. Avant leur étude, personne n'avait trouvé un rôle à ce régulateur dans le cerveau. Leurs résultats ont apporté des connaissances fondamentales sur la façon dont le cerveau traite l'information. Un gramme de curcuma chaque matin pourrait améliorer la mémoire des personnes présentant un risque de déficience cognitive lié au diabète, selon les chercheurs australiens du Monash Asia Institute de l'Université de Monash. Vous aurez remarqué peut-être une certaine thématique dans la chronique jusqu'à maintenant. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, est un ingrédient très répandu dans la cuisine orientale et asiatique. Sa couleur jaune distinctive provient de la curcumine, oui, le pigment principal du curcuma. Des travaux ont déjà montré ses effets positifs pour réduire les risques de démence. Une nouvelle étude dont les résultats ont été publiés dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition montre que des personnes présentant les premiers symptômes de diabète, ce qui augmente les risques de démence, pourraient particulièrement bénéficier d'une consommation journalière de curcuma, donc du turmeric en anglais. C'est tout le temps un mot avec lequel j'ai eu de la difficulté. Turmeric. C'est du curcuma. Il n'y a pas de syllabe en commun. T'sais. Donc, selon le professeur Mark Walkvist, qui précise qu'une intervention précoce pourrait soit stopper la maladie, soit en réduire l'impact. Pour mener cette expérience, on a donné soit un placebo, soit un gramme de curcuma sur du pain blanc à 48 participants masculins et féminins. On a ensuite testé la mémoire de chacun avant et après le petit déjeuner. Tous les sujets avaient plus de 60 ans et souffraient des prémices du diabète et ils ne suivaient pas encore de traitement contre cette maladie. Ils ont remarqué que ce simple ajout au petit-déjeuner améliorait la mémoire des personnes âgées atteintes de prédiabète durant 6 heures. Au lieu du curcuma, le groupe témoin consommait 2 grammes de cannelle chaque matin sur du pain, mais aucun bienfait sur la mémoire des participants n'était observé avec cette épice. Leurs découvertes sur le curcuma sont en accord avec les observations précédentes, dans la mesure où ils, donc le curcuma et le curcumine, semblent influencer les fonctions cognitives en présence d'une résistance à l'insuline ou d'un trouble métabolique. J'en reviens pas qu'on découvre des trucs comme ça, c'est miraculeux. Mais sans aucune intervention divine. Ensuite, des chercheurs de l'Université de Keele et de l'Université de Nottingham en Angleterre, spécialisés dans la régénération des tissus osseux, ont découvert un traitement potentiel très prometteur. Ils sont parvenus à diriger des nanoparticules magnétisées recouvertes de protéines sur la zone endommagée d'un os afin de stimuler les cellules souches pour le reconstituer. Cette technologie pourrait un jour aider les personnes souffrant de traumatismes osseux ou de maladies telles que l'ostéoporose. nous pouvons le reconstruire. C'est dans quoi ça, cette citation? Actuellement, la méthode pour soigner ou réparer des os endommagés qui ne se régénèrent pas d'eux-mêmes est la greffe osseuse à partir d'un prélèvement sur une autre partie du corps, oui. Il s'agit d'une intervention chirurgicale lourde, douloureuse et qui n'est parfois pas réalisable si la zone à traiter est trop importante ou si le patient souffre de maladie du squelette. Depuis, la régénération des os greffés passe par un processus post-opératoire appelé mécanotransduction qui convertit un stimulus mécanique en signal électrique et exige donc mouvement et exercice physique. Il provoque un enchaînement d'effets biochimiques, de libération d'hormones, de régénération cellulaire et de croissance des tissus qui vont assurer la guérison. Évidemment, cette thérapie ne fonctionne que si la personne peut bouger. Et bien, une équipe de chercheurs des universités de Kiel et de Nottingham au Royaume-Uni a élaboré un traitement pourrait résoudre ces difficultés et même, dans certains cas, permettre de ne pas recourir à une greffe. La technique consiste à diriger des nanoparticules magnétisées enrobées de protéines sur un os endommagé et de les contrôler pour stimuler les cellules souches. Ce principe de nanoparticules magnétisées est comparable à celui que Google compte utiliser pour sa pilule destinée à détecter les prémices du cancer et d'autres maladies. On a parlé de ça, Mathieu Planchot, dans une précédente émission. Dans le cadre du projet mené outre... là-bas. Des articles qui disent outre-manche, mais faut que tu te penses. Attends un peu, si tu es vraiment outre-manche, si je le lis du Canada. Les nanoparticules sont employées pour leurs propriétés physiques et leurs facultés de diffusion, donc en vue d'un traitement médical. Grâce à un champ magnétique externe, elles peuvent être manipulées pour produire des forces mécaniques et conduire le processus de régénération osseuse via la fourniture de cellules souches et la diffusion progressive d'une protéine de stimulation de croissance. En outre, ces particules sont injectables et permettent d'éviter un acte chirurgical. Les chercheurs ont rendu compte de leurs travaux dans un article de la revue Stem Cells Translational Medicine. Les premiers essais ont été effectués sur des fémurs de fœtus de poulet et sur des tissus artificiels à base d'hydrogel de collagène. Dans les deux cas, les chercheurs disent avoir obtenu une augmentation de la formation et de la densité osseuse sans provoquer de contraintes mécaniques ni à la construction ni aux tissus environnants. Selon le professeur James Enstock, qui chapeaute l'expérience, cette avancée pourrait également améliorer les approches d'ingénierie tissulaire pour la médecine translationnelle. On ignore toutefois dans quel délai ce type de traitement pourrait être applicable à l'humain. Et finalement, étrange découverte, en se servant de disques Blu-ray du commerce, une équipe de chercheurs de l'Université nord-américaine d'Evanston a créé des cellules photovoltaïques absorbant 22% de lumière en plus. Donc, ce que ça veut dire, pour comprendre, pour les morons comme moi, la nanostructure résultant de la gravure d'une vidéo est particulièrement adaptée pour capter les photons sur l'ensemble du spectre solaire. Des disques Blu-ray du commerce peuvent servir à fabriquer des cellules photovoltaïques plus performantes. L'amélioration ne vient pas des supports optiques eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont gravés, offrant des qualités insoupçonnées susceptibles d'améliorer le rendement des panneaux solaires. Précédemment, les travaux de recherche avaient déjà démontré que des gravures à l'échelle nanométrique pratiquées à la surface de cellules photovoltaïques permettaient de capter plus de lumière. Mais cette technique implique une mise en œuvre onéreuse, dispendieuse, pour fabriquer les moules, ce qui ne se prête pas à une production de masse de tels panneaux solaires. C'est en partant de ce constat qu'une équipe de chercheurs de l'Université Northwestern d'Evanston aux États-Unis dans l'Illinois a eu l'idée de s'intéresser aux disques Blu-ray. Ils ont réalisé plusieurs moulages de la surface de ces galettes pour imprimer le profil de gravure sur des cellules photovoltaïques en polymère. Ces dernières ont alors révélé une capacité d'absorption de la lumière de 22% plus élevée qu'une cellule photovoltaïque lisse. Au final, cette technologie permet d'augmenter le rendement de conversion de 12%. Dans leur article scientifique publié dans la revue Nature Communications, les scientifiques expliquent que l'expérimentation a été menée à partir... J'ai vu le reste de la phrase. À partir d'un disque contenant le film Police Story 3 Super Cop. D'après moi, c'est un titre en français qu'on a nommé complètement autrement parce qu'on n'est pas des maudits fendants français. Attends, je vais chercher pour vous. Impossible de se connecter à Internet. Ça n'arrive jamais à l'UQTR. Ils ont d'abord délaminé la couche de protection sur la surface de lecture afin de révéler le motif fait de creux et de bosses nanométriques correspondant au 0 et au 1 de l'encodage binaire. Puis, à l'aide d'un moule négatif, ils ont copié cette structure afin de la reporter sur une couche de polymère via un dépôt sous évaporation par faisceau d'électrons. Cette méthode fonctionne avec n'importe quel Blu-ray pourvu qu'il soit enregistré, et ce, bien sûr, quel que soit le film. L'équipe de l'Université d'Evanston a ensuite voulu comprendre pourquoi cette structure fonctionnait mieux que les autres. Les chercheurs se sont penchés sur des algorithmes utilisés pour le transfert des données sur les Blu-ray et ont découvert qu'ils remplissaient deux fonctions. La première est d'assurer un taux de compression le plus élevé possible en convertissant le signal vidéo en une séquence aléatoire de 0 et de 1. La seconde fonction des algorithmes est d'augmenter la marge d'erreur en ajoutant un contrôle de redondance à la séquence des données afin de limiter le nombre de 0 et de 1 consécutifs. Le fait est que ces deux fonctions combinées produisent un ensemble quasi aléatoire de creux et de bosses dont la taille est comprise entre 150 et 525 nanomètres. Il s'avère que cette fourchette est particulièrement efficace pour capter les photons dans les parties visibles et proches de l'infrarouge du spectre solaire. Cette découverte ouvre des perspectives intéressantes quant au recyclage des millions de Blu-ray en circulation, mais la solution la plus efficace serait sans doute d'intégrer directement l'outil industriel de production de ces disques dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Je pense que c'est, en effet, un petit peu moins compliqué. Donc, Police Story 3, pour en revenir à notre bel internet de l'UQTR. C'est un film hongkongais, OK, nommé en cantonais romanisation Yale, Jingsha Guxi 3, Shao Ji Jingsha. C'est la suite de Police Story, Police Story 2, et entre autres, c'est Jackie Chan qui joue là-dedans. Il n'y a pas d'autres titres en français. C'est pas mal Police Story 3, Super Cop. Eh ben. On apprend de tout à tous les jours. Assez fou, n'est-ce pas? Et je salue les Français, c'est un running gag, là, c'est pas vraiment ce que j'en pense. Vous êtes pas tous fendants. C'est une majorité. Donc tout à l'heure, ce sera le segment Geek CD qu'on va faire ensemble au Mathieu Plante Show. On a aussi notre série musicale sur la musique de Donkey Kong Country encore. Hein? Monsieur Redondat ici qui choisit tout le temps les mêmes trames sonores de jeux vidéo, mais que voulez-vous? Mais avant ça, par contre, étant donné que Colin a choisi tout le temps les mêmes choses, je me suis dit que pour le chiptune qui enveloppe l'émission, qui enrobe tout ça, je vais choisir des trucs un petit peu plus originaux, tu sais. Tantôt, j'ai fait jouer du hip-hop. Là, je fais jouer une chanson inspirée par le classique du Super Nintendo F-Zero. Donc, ça va être le remix par Game & Sound de Mute City, une pièce de ce jeu F-Zero MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Wahoo! Un remix de la pièce Mute City sur le jeu F-Zero, c'était par Game & Sound, que vous pouvez retrouver sur facebook.com/Game & Sound. C'est la musique donc de ce jeu de course mythique, F-Zero, en l'honneur, entre autres, du contenu téléchargeable de Mario Kart 8, dans lequel il y a une piste inspirée de Mute City, donc on peut jouer presque comme dans F-Zero dans Mario Kart, c'est super cool. Ce qui nous amène au segment Geek Scenics. Cynix, c'est le survol des nouvelles technologiques et de plein de choses qui ont rapport avec les jeux vidéo, l'informatique et tout ce qui est geek depuis les 7 derniers jours. Commençons par le Danemark, le pays le plus connecté au monde. Oui, ce n'est pas qu'une rumeur. Le pays le plus connecté au monde selon le rapport 2014 de l'Union internationale des télécommunications, la 8, mesurant la société de l'information. Le Danemark est suivi par la Corée du Sud et la Suède dans ce classement annuel. En 2013, c'était la Corée du Sud qui était première, suivie du Danemark. La France est en 18e place contre 16e dans l'édition précédente, devancée entre autres par l'Islande, la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas, la Finlande, Hong Kong, le Luxembourg, le Japon et l'Australie. Les États-Unis sont au 14e rang. L'Allemagne en 17e. Selon ce rapport, plus de 3 milliards de personnes sont désormais en ligne et les technologies d'information et de communication continuent de croître à un rythme soutenu dans presque tous les pays du monde. En 2014, l'utilisation d'Internet a progressé deux fois plus vite dans les pays en développement, donc 8,7%, que dans les pays développés à 3,3%. Le nombre d'internautes a doublé dans les pays en développement entre 2009 et 2014 et ces pays représentent aujourd'hui les deux tiers des personnes connectées dans le monde. Sur les 4,3 milliards de personnes qui ne sont pas encore connectées, 90% vivent dans les pays en développement. Dans le secteur de la téléphonie mobile, l'UIT table sur 7 milliards d'abonnements d'ici fin 2014. Les 30 premières places du classement de la 8 sont occupées par des pays européens ainsi que par des pays à revenus élevés. D'ici la fin de l'année 2014, 44% des ménages dans le monde auront accès à Internet contre 40% fin 2013 et 30% fin 2000. 78% des ménages dans les pays développés ont un accès à Internet contre 31% des ménages dans les pays en développement. On reste dans les gens qui sont branchés finalement, c'est la Gaspésie qui est la région la mieux branchée au Québec. En seulement 10 ans, la Gaspésie est devenue la région du Québec où Internet haute vitesse est le plus accessible. En tout, 95% de la population peut obtenir un branchement à Internet haute vitesse. Cette accessibilité aurait généré la création de 2000 emplois. La création du réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion de la Gaspésie, le RCCADOGG, aura permis de relier les établissements publics comme les écoles, les hôtels de ville et les bibliothèques. Les organismes à but non lucratif peuvent aussi s'y brancher à faible coût. Ces infrastructures ont finalement convaincu TELUS, partenaire du réseau, d'améliorer son offre puisque le réseau collectif lui a permis d'économiser 2,5 millions de dollars. Et les compétiteurs de TELUS ont suivi, donc c'est selon le réseau collectif de la Gaspésie. Cet accès a permis à la région d'attirer de jeunes travailleurs et d'offrir une meilleure qualité de vie à la population. Les entreprises ont aussi développé le télétravail ou le travail à distance. C'est le cas notamment de la télévision communautaire de Petite-Vallée où le réalisateur Marc Berthe qui réalise des émissions à distance. Québec et les municipalités ont investi 18,4 millions de dollars dans le développement du réseau gaspésien. BlackBerry offre de racheter des iPhones. BlackBerry veut votre iPhone et offre jusqu'à 600 $ pour vous en débarrasser. L'ancien fleuron canadien des télécommunications a annoncé un programme de rachat visant les propriétaires américains et canadiens de iPhone, une première opération visant spécifiquement Apple, selon la porte-parole de l'entreprise. Au Canada, BlackBerry offrira 90 $ donc 290 $ pour un iPhone 4S à 400 $ pour un iPhone 6 et ajoutera une carte cadeau de 200 $ à ceux qui s'engagent à adopter son Passport entre le 1er décembre et le 13 février prochain. L'entreprise multiplie en outre les rabais sur son téléphone intelligent de forme carrée, vendu actuellement à partir de 200 $ avec contrat de 2 ans ou 600 $ sans contrat. C'est une tactique comme une autre quand tu essaies de sortir du fond du baril. ASICS qui développe un t-shirt connecté maintenant. L'équipementier sportif japonais ASICS a annoncé un accord avec la société française Citizen Sciences pour Citizen Science, j'imagine, pour selon cette dernière, développer, fabriquer et vendre un t-shirt connecté destiné aux amateurs de course à pied. Ce produit qui pourrait être mis en vente l'année prochaine auprès du grand public dans le cadre de grands événements sportifs est conçu à partir de technologies mises au point par Citizen Science, firme qui fédère autour d'elle plusieurs spécialistes français des tissus techniques comme Eolan, Payen, Télécom Bretagne et Cycle Lab. Comment voulez-vous prononcer ces affaires-là? Quand on parle de fibres textiles avec les Japonais, ils savent de quoi il s'agit. Et encore mieux quand on discute de tissus intelligents, explique le PDG de Citizen, Jean-Luc Errant, qui espère même constituer un réseau d'entreprises partenaires au Japon où existe dans ce domaine une volonté industrielle extrêmement dynamique. Les textiles conçus par Citizen permettent de mesurer des facteurs physiologiques et physiques sur les supports grâce à l'intégration complète de microcapteurs et fils électriques. Rendu sensible et communicant, un tel tissu peut collecter des données comme la fréquence cardiaque et respiratoire, la température corporelle, l'accélération ou la localisation, puis les faire remonter vers un téléphone intelligent via une liaison de proximité sans fil Bluetooth. Donc on ne voit pas la différence avec un t-shirt banal. On dit qu'on sent quasiment rien au toucher ni au corps, ce qui différencie le produit des ceintures ou bracelets dédiés au suivi de la condition physique. Les capteurs utilisés sont issus de grandes universités et de centres de recherche. Pour le moment, l'alimentation se fait via un petit boîtier entre les deux omoplates, mais Citizen travaille sur la récupération énergétique corporelle qui permettrait d'éliminer la batterie. Voilà. Maintenant, Twitter veut savoir quelles sont les applications de votre cellulaire. Le réseau en ligne Twitter a annoncé qu'il allait commencer à détecter quelles autres applications ses utilisateurs avaient installées sur leur téléphone cellulaire ou leur tablette afin notamment de mieux personnaliser les publicités qu'il leur propose. On assure que seules des listes d'applications sont collectées sans espionner l'usage fait de ces logiciels. Ça permet d'accéder plus rapidement à un service en ligne spécifique depuis un appareil mobile. Le réseau explique que cela lui permettra par exemple de faire de meilleures recommandations de comptes à suivre sur son service ou encore de mieux cibler les publicités incluses sous forme de contenu sponsorisé dans les faits d'actualité des membres. La tactique est déjà utilisée par d'autres services en ligne gratuits qui se financent par la publicité. Elle entre dans le cadre des efforts de Twitter pour améliorer ses revenus et l'intérêt de son service pour les utilisateurs alors que Wall Street s'inquiète de ses perspectives de croissance. Les utilisateurs peuvent s'y opposer en activant les options permettant de limiter ou d'empêcher le ciblage publicitaire proposé sur les appareils d'Apple ainsi que sur ceux des nombreuses marques utilisant le système d'exploitation Android de Google. Donc ça vient de l'agence France Presse cet article. Les gens qui ont peur là, de se faire regarder ce qu'ils font, là, c'est parce que si vous utilisez un ordinateur genre Mac ou PC, c'est de toute façon ça qui arrive. Fait que, puisque votre téléphone cellulaire, ben maintenant c'est rendu ça, fait qu'on essaie de s'adapter à ça. Mais la publicité ciblée, il y a toujours eu ça. T'sais, quand vous allez sur Internet puis vous marquez « Hey, crime, c'est une pub d'une affaire que j'ai achetée. Ouais, c'est une affaire que j'ai magasinée sur Amazon. » Ouais, mais c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont vu que t'es allé sur Amazon. C'est juste du ciblage. En même temps, moi, je préfère avoir des pubs de choses que je veux acheter ou que j'ai déjà acheté que des choses qui m'intéressent pas avant tout. Fait que, tu sais, moi, le ciblage publicitaire, je pense que c'est quasiment même une bonne chose. Mais bon, chacun son opinion là-dessus. Ubisoft s'excuse pour Assassin's Creed Unity et donne des cadeaux. Oui, les difficultés techniques auxquelles ont été confrontés les premiers acheteurs d'Assassin's Creed Unity, plus récent épisode de la série à succès de Ubisoft, ont forcé le PDG du studio montréalais Yanis Malat à présenter ses excuses et à offrir du contenu gratuit aux amateurs, nous dit la presse. Donc tous les acheteurs de Unity passés au futur auront accès gratuitement au prochain contenu additionnel téléchargeable, le DLC, nommé Dead Kings. Les grands amateurs de la série qui s'étaient aussi procurés pour environ 30$ la passe saisonnière, donnant accès à Dead Kings et d'autres contenus supplémentaires, touchent quant à eux le gros lot puisqu'ils auront droit gratuitement à un autre jeu d'Ubisoft, Far Cry 4, aussi d'Ubisoft Montréal, qui a déjà été acclamé comme l'un des meilleurs titres de l'année. Fait partie des jeux admissibles à cette compensation. Il y a aussi The Crew, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legends et Just Dance 2015. Donc la qualité d'ensemble du jeu a été gâchée, ici c'est une citation, a été gâchée par des bugs et des problèmes techniques inattendus. Je veux m'excuser sincèrement au nom de Ubisoft et de toute l'équipe d'Assassin's Creed. Ces problèmes ont entravé votre plaisir et ont empêché plusieurs d'entre vous de profiter du jeu à son plein potentiel. L'entreprise doit rendre disponible cette semaine, ce qui sera déjà une troisième rustine, un patch destiné à corriger ces difficultés techniques. Elle vise aussi qu'il y aura au moins une autre patch. Le jeu a été lancé le 11 novembre dernier. Les critiques sont pas super positives. En fait, les premières critiques avaient sérieusement ébranlé la confiance des investisseurs envers Ubisoft à son lancement. La presse nous dit que le titre de l'entreprise avait alors perdu près de 10% en une journée à la Bourse de Paris, passant de 14,63 à 13,27 €. Il a repris une partie de ses pertes et a terminé la journée donc à 14,17 €, 19,93 $ canadiens. Ça, c'était en date de la semaine passée, le 27 novembre. Dès le 31 décembre, les skieurs professionnels pourront compétitionner avec une veste gonflable destinée à les protéger en cas de chute si celle-ci est aux normes. La Fédération internationale de ski, la FIS, a fait cette annonce, tandis qu'un modèle est essayé par des skieurs canadiens, donc Jean Hudec, Eric Gay et Manny Osborne Paradis ont testé la combinaison D-Air de la compagnie italienne Dainese lors de la dernière session de ski. Eric Gay, le champion du monde de descente en 2011, est un adepte de cette veste développée en partenariat avec la FIS et indique l'avoir portée à chaque entraînement en 2013-2014. Il dit, je cite, « Vous ne la sentez même pas lorsque vous tombez, c'est juste au moment où vous allez vous écraser par terre qu'elle gonfle, pour ainsi dire. » Lorsque son mécanisme de protection s'enclenche, le D-Air gonfle de 5 cm. Un responsable du développement stratégique pour Dainese parle d'un vêtement intelligent. Il peut faire la différence entre une conduite normale et une situation accidentelle. La D-Air comprend un algorithme qui analyse toutes les données que captent ses 7 senseurs. Elle est aussi équipée de 3 accéléromètres, de 3 gyroscopes et d'un système de localisation. Au départ, la FIS avait prévu autoriser la veste lors de la compétition mondiale de Val Gardena en Italie les 19 et 20 décembre, mais la D-Air était alors trop épaisse au vu des règles de l'organisation. La combinaison s'inspire d'une protection similaire développée par Dainese pour les compétitions de moto. Il y a un nouveau réseau social après le Movember. Vous savez que le mois de décembre n'a pas de thématique. Hein? Il n'y a pas de Beer December. Beer December, ce serait pas pire, ça? Hein? Après la moustache, ça serait Beer comme une barbe. Mais non, il y a un nouveau réseau social pour les barbus. Hein? La barbe ne fait peut-être pas à tous, nous dit le Huffington Post, et elle n'attire pas toutes les femmes ou hommes. Hein? Peu importe, le nouveau réseau social Bristler se fait un plaisir de réunir des hommes qui la portent, qu'elles soient longues, courtes ou sculptées. Lancé par John Kershaw, un Anglais de 28 ans qui travaille comme développeur de logiciels indépendants, Bristler est un site de réseautage au même titre que Tinder. Seulement à l'inverse de la plateforme de rencontre d'origine américaine, tout l'accent est mis sur la barbe. Son slogan est « Connecting those with beards to those who want to stroke beards », donc rassembler ceux qui ont des barbes à ceux qui veulent en caresser. Hein? Faut plutôt que d'interroger les internautes à savoir s'ils sont célibataires, Bristler demande à ses internautes s'ils ont une barbe. Tout naturellement, ceux-là sont ensuite invités à publier des photos de leur pilosité faciale qui pourront être évaluées par la gente féminine. Puis, ultimement, si deux personnes éprouvent de l'attirance l'une pour l'autre, Bristler leur permet d'échanger librement des messages. Bristler se dit par ailleurs ouvert à tous les genres et orientations sexuelles, où que vous soyez sur la planète. Donc, Bristler, c'est B-R-I-S-T-L-R. Voilà, Bristler. On peut jouer à Street Fighter avec des pianos à la place des manettes, nous dit-on. Une initiative originale qui mêle jeux vidéo et musique classique. Afin d'intéresser les plus jeunes à la musique classique et de leur montrer qu'elle peut être ludique et amusante, la maison de la radio en France a imaginé un dispositif permettant de jouer au jeu Street Fighter avec des pianos. Je cite, développé par une start-up spécialisée dans les objets connectés, la technologie repose sur un système de capteurs sur marteau, eux-mêmes reliés à une console et au jeu. C'est leur communiqué qui dit ça. On dit donc que ce système baptisé Sound Fighter récompense les meilleurs pianistes car plus ces derniers enchaînent des accords complexes, mieux ils joueront au jeu. Comme on peut le voir dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com, deux jeunes pianistes ont essayé Sound Fighter en avant-première avant l'ouverture au public de cette installation entre le 14 et le 16 novembre dernier. Et fort de son succès, l'établissement proposera à nouveau lors d'animations futures cette animation au public. Ça fonctionne très bien, donc allez voir la petite vidéo sur le site. Maintenant, une super batterie développée par Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec qui développe actuellement une batterie si puissante qu'elle pourra entreposer l'énergie d'une dizaine d'éoliennes. Hein? Dans les laboratoires de l'IREQ, situé en bordure de l'autoroute 30 à Varennes, Karim Zaïb dirige le groupe de chercheurs qui élabore actuellement une batterie à la fois sécuritaire, économique et surtout capable d'entreposer d'immenses quantités d'énergie. Donc, on parle de l'IREQ qui est l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Pour développer une telle batterie, il faut d'abord trouver la bonne recette dans un de nombreux laboratoires de l'IREQ. Une équipe teste différents matériaux en fabriquant des petites piles à peine plus grosses qu'un bouton de chemise. Une pile performante pourra se recharger rapidement des milliers de fois sans perdre son efficacité. Si les matériaux s'avèrent efficaces et si les tests sont concluants, l'équipe passera à l'étape suivante, qui est le format large. Ce format a l'apparence d'un mince paquet de feuilles de papier et l'assemblage est complètement automatisé. C'était conçu à Hydro-Québec avec des procédés qui ne coûtent pas cher, des procédés très simples. La technologie développée par l'équipe de Karim Zaghib est économique, simple et flexible. En branchant une série de batteries ensemble, il sera possible d'entreposer quelques mégawatts d'électricité, soit l'énergie d'un petit parc éolien. La technologie peut également s'adapter pour alimenter une automobile. La batterie au lithium-ion d'Hydro-Québec qui sera au moins deux fois plus légère et coûtera une fraction du prix. Une technologie abordable qui va continuer d'évoluer. Peut-être dans les prochaines années. Ça dit dans 10-15 ans, on vise la même autonomie que l'essence. Eh bien. Apple a lancé une campagne pour la Journée mondiale du SIDA. Vous avez probablement vu les icônes dans votre App Store, alors que ses concurrents s'apprêtent à réduire le prix de sa marchandise en vue du Black Friday. Donc, Apple a incité les consommateurs à soutenir l'initiative RED. C'était pour la Journée mondiale du SIDA 2014. Il y en a qui se demandaient peut-être pourquoi il y avait ça. Et ça va être jusqu'au 7 décembre prochain. Donc, une collection de 25 applications participe à cette campagne. L'ensemble des gains provenant de la vente de celles-ci ainsi que de leurs achats intégrés sera réservé au Fonds mondial de lutte contre le SIDA. Parmi les produits offerts, il y a entre autres Angry Birds et Clash of Clans ainsi que Clear et GarageBand. Parallèlement à cette offre, une partie des ventes de produits Apple effectuées lors de la journée mondiale, c'est le 1er décembre hier, était aussi versée au Fonds mondial. Vous avez encore une fois, comme je dis, jusqu'au 7 décembre. Et puis, il n'y a rien qui vous empêche d'acheter des Product Red de Apple. Pour toujours, finalement. Ça a toujours été... C'est comme ça depuis longtemps, depuis plusieurs années. Au Royaume-Uni, les ventes de vinyle atteignent un sommet inégalé en 18 ans. C'est pour la première fois depuis 1996 que le Royaume-Uni a enregistré plus de ventes qui a enregistré plus... Des ventes de plus d'un million de micro-sillons. C'est ça. Voilà. Donc oui, on peut être nostalgique. C'est bien ça, c'est la BBC qui nous le dit. Ces chiffres marquent une résurgence plutôt inattendue d'une industrie où le format numérique prédomine. Donc, en deux mots, on nous dit que ça se résume à Pink Floyd. Parce qu'en effet, ce Jenga de la musique auquel on a retiré plusieurs morceaux au fil du temps et qui peine à tenir debout, a lancé au début du mois Endless Rivers, son premier album en 20 ans, nous dit branchezvous.com. Nous ignorons si le fait qu'une masse critique de leurs fans qui n'auraient tout simplement jamais mis à jour leur chaîne stéréo est responsable de cette montée des ventes de vinyle. Donc, le disque vinyle pourrait revenir en force et constituer ainsi une source de revenus non négligeable pour l'industrie musicale. Il y a seulement 5 ans, ce secteur récoltait à peine 3 millions de livres, donc 5,3 millions de dollars canadiens par année. Cette année, sa valeur sera de 20 millions de livres, donc 35,7 millions de dollars canadiens. Vous pouvez lire le reste de l'article et les comparaisons avec Pink Floyd, un paquet de phrases inutiles sur assemblagerequis.com. Un casque composé de deux écouteurs et d'un arceau. Je pense qu'on est au courant. Et cet arceau qui trône sur le dessus de la tête peut devenir un panneau solaire idéal, avouez-le. On pointe pas mal toujours par en haut avec le dessus de l'écouteur. C'est l'idée de la jeune start-up franco-britannique Exode qui a conçu Helios et lance aujourd'hui sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. Lance aujourd'hui comme dans ses derniers jours. Donc, un casque Bluetooth fonctionne grâce à une batterie, et selon la conception, quand la batterie est vide, soit le casque ne fonctionne plus du tout, soit encore il y a du son, mais moins bien. Donc, l'équipe de la startup Exode a donc pensé à une solution jugée éco-responsable. Implanter des panneaux solaires dans l'arceau du casque. Fonctionnant même quand le temps est nuageux, ils sont supposés apporter une demi-heure d'autonomie audio pour une heure d'exposition au soleil sur un total de 15 heures d'autonomie. La recherche peut bien sûr être accomplie via la fiche micro-USB par les moyens traditionnels si vous trouvez votre fil. Hein? Donc, qu'apprend-on d'autre sur le casque? Il est compatible Bluetooth 4.0, il est pliable, il est doté d'une oreillette en cuir et d'une multitude de boutons, changement de piste, volume, prise en charge des appels téléphoniques, activation du panneau solaire. Donc, ce que ne dit pas Kickstarter, c'est si le casque est utilisable pendant qu'il recharge via ses capteurs photovoltaïques. Mais bon, on se pose la question. On se pose la question et on a la réponse plus tard, qui est oui, c'est bien utilisable pendant la recharge solaire. C'est assez important de le mentionner. Donc, le casque pèse 270 grammes. Sur le plan audio, on sait qu'il propose une sensibilité de 106 décibels. La section Bluetooth n'est pas compatible avec les codecs APTX et AAC. Malheureusement, les fichiers, entre autres, de très très haute qualité chez Apple, je crois ailleurs, c'est des AAC. Donc, il va falloir environ 3 heures pour recharger la batterie de 430 mAh en USB. Et au soleil, le petit calcul nous dit une trentaine d'heures, une heure de musique après 2 heures d'exposition au soleil, sachant que l'autonomie maximum tourne autour de 15 heures. Les 100 premiers contributeurs peuvent avoir Helios pour un petit peu moins cher. Sinon, le prix va monter. Il reste encore un petit peu de temps. Ça va être livré en juillet 2015. C'est, j'essaie de calculer rapidement. Je pense que c'est environ une 150aine de quoi? De quelle sorte d'argent? D'euros, voilà. Ensuite, une montre connectée pour enfants compatible iOS et Android. Après les portables, les tablettes ou les appareils photo, les montres connectées pour enfants commencent à faire leur apparition à l'image du projet Jumpy, lancé sur Kickstarter. La société Jumpy a ouvert une campagne de financement sur le site afin de produire une montre connectée spécialement pensée pour les enfants. L'objet est promu comme un moyen d'apporter davantage d'interaction au sein du foyer avec un appareil multifonction qui cible les 5 à 8 ans. La montre Jumpy est compatible iOS et Android et dispose d'une dalle de 1,6 pouces. Le système est composé de 3 niveaux, donc une horloge, un chien faisant office d'un genre de Tamagotchi, ainsi qu'un écran présentant les diverses applications. Le cadran est détachable et peut venir se greffer à une panoplie de bracelets colorés. La société propose des interfaces de programmation ainsi qu'un kit de développement pour enrichir l'écosystème de Jumpy et multiplier ses fonctionnalités. L'enfant sera en mesure d'envoyer des messages, smiley ou croquis directement à ses parents équipés d'un smartphone ou directement aux autres détenteurs d'une autre montre Jumpy. La smartwatch se positionne par ailleurs comme un outil permettant de surveiller l'activité physique de ses enfants ainsi que ses déplacements. La société a signé divers partenariats avec des éditeurs sur iOS et Android pour obtenir diverses interactions entre les applications de la montre. Cette dernière se transforme par exemple en scanner, en une manette de jeu similaire à la Nunchuck de la Wii, ouais, en tout cas, la Nunchuck, c'est quoi ça? Ou en télécommande permettant de contrôler le déplacement d'un objet via Bluetooth. Ça commence au mois de juin pour Jumpy. Après une phase rythmée d'études de marketing et de développement logiciel, la société entend lever 100 000 $ pour continuer la production de divers prototypes. L'objectif est de commercialiser Jumpy en 2015. Allons-y avec quelques derniers pour se terminer ça. Je vais y aller avec... Attention. Non plus. Oui, il y a une drôle de nouvelle ici, c'est la figurine Amiibo de Samus Aran. C'est un personnage de jeu vidéo qu'on retrouve en Amiibo. Amiibo, c'est des petites figurines de Nintendo qu'on met sur la manette de la Wii U pour faire avancer un personnage. Donc, mettons Super Smash Bros. Tu peux avoir un personnage garder ses caractéristiques dans ta figurine puis lui donner plus de trucs. Dans Mario Kart, tu peux avoir un habit spécial quand tu mets une figurine sur ta manette. Bref. Donc là, en ce moment, il y a le personnage... de Samus Aran, qui a deux bras deux canons à la place d'avoir un bras et un canon. Donc c'est l'Américain Adam Truesdale qui en a fait la découverte. Il a posté sur Reddit les photos de sa figurine défectueuse. Les internautes surpris lui ont vite indiqué qu'elle pourrait prendre de la valeur à cause de sa rareté. Hein, ça se vend super bien, les amiibo en ce moment, mais des petits défauts de fabrication. Colin, ça fait augmenter la valeur. Mise en vente sur eBay pour $50, la Samus Aran aux deux canons vaut maintenant $255 après 38 enchères. Bon, c'est standard de l'article. 20 fois son prix d'origine. On peut peut-être croire que ce serait la même chose donc pour pas mal tout le monde. Donc, si vous voyez une de ces figurines-là de Samus Aran, de entre autres Super Smash Bros., et c'était. Je me rappelle jamais du jeu dans lequel elle joue. Metroid. Wouah! Hein? C'était chaud ça! Wouhou! Metroid! Donc, si vous voyez un de ces modèles-là avec les deux bras en fusil, en canon, achetez ça! C'est sûr! Surtout si c'est pas cher! Hein? Et voilà, je pense que ça va faire le tour. Je vous en laisse un paquet d'autres sur assemblagerequis.com parce qu'on manque de temps, mais allons-y avec le top des jeux les plus loués. Donc en 10e place dans les clubs vidéo en passant, en 10e place c'est Dragon Age Inquisition sur PS4. En 9e, Far Cry 4 édition limitée sur la PlayStation 3. C'est le même jeu en 7e sur la Xbox 360, en 5e sur la Xbox One et en première place sur la PlayStation 4. Ensuite, Pokémon Alpha Sapphire en 8e place sur la 3DS. En 6e, Pokémon Omega Ruby sur la 3DS. En 4e, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. Le même jeu en 3e place sur la PlayStation 4. En 2e, c'est Super Smash Bros. Pour la Nintendo Wii U. Et comme j'ai dit, ben, le numéro 1, j'ai dit tantôt, c'est la PlayStation 4, c'est Far Cry 4. Édition limitée, voilà. C'est tout pour Cynix. Ça en fait-tu du stock, ça y est qu'un petit peu. On est rendu à notre série spéciale, notre série musicale. On en parlait un petit peu la semaine passée. J'ai pas tant de détails à vous donner que ça. C'est Big Matt, l'artiste. Donc, c'est Big Matt Tax Presents. .bandcamp.com, c'est l'adresse de son Bandcamp, bien sûr. Il nous propose des remixes. C'est un projet communautaire, en fait, géré par Big Matt. C'est 35 pièces glorieuses qui englobent toutes les musiques de Donkey Kong Country 1, 2 et 3. Je vous ai habitué avec le passé, par le passé, de vous faire jouer des trames sonores de Donkey Kong une fois de temps en temps, le 1, le 2, le 3, mais à espace de plusieurs années. Là, j'y retourne rapidement parce qu'on vient de terminer il y a quelques mois à peine la série sur Donkey Kong Country 3. Alors, on a fait Mario depuis, on a fait des musiques de Game Boy. Mais là, on revient à Donkey Kong. Okay? Donc, ça va être la série au complet. C'est pour le 20e anniversaire de, selon moi et selon Big Matt aussi, les meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Hein? Vous pouvez payer ce que vous voulez sur Bandcamp en passant. C'est un projet qui a été fait pour le plaisir, mais quand même, vous pouvez l'acheter si vous le voulez. Moi, je vous le passe à la radio parce que je fais de même. On va commencer avec la première pièce. Pourquoi pas? C'est par Corey Johnson featuring Martial Art and Jeroke. Et c'est Aquatic Ambiance. Je me suis fait achaler un petit peu il y a quelques années quand j'ai joué la version originale de Aquatic. Je pense que c'est un remix de Aquatic Ambiance, qui est une des pièces les plus appréciées par les fans de Donkey Kong Country, le premier du nom. Comme de quoi que c'est une chanson un petit peu endormante. Je ne dirais pas endormante. Je dirais qu'elle est calme, elle est atmosphérique. Mais écoutez ce remix par Corey Johnson et on s'en reparle plus tard. MPS au Mathieu Planche. I knew an outsider once. Told me. He went overboard, tangled in the sails. They pulled him out, and it took him 5 minutes to cough. He said it was like going home. Take a minute to consider your achievement. I once told you about a sailor who described drowning to me. As he said it was like going home. I was lying. He said it was agony. Fou d'excentricité. 89.1. c'était Joydeca, Rockface Rumble, précédé de Super Guitar Brothers avec Minecart Madness. Et au début, c'était Corey Johnson featuring Martial Art and J-Rock avec Aquatic Ambiance. Les trois premières pièces de DKC Mixed Ape 94. Pour ceux qui n'ont pas remarqué le jeu de mots, c'est Mixed Ape comme dans un grand singe mélangé, non pas comme une mixtape. C'est un jeu de mots. 94, voilà, donc c'est de la musique. Encore une fois, je me fais plaisir, je sais, avec la musique de Donkey Kong Country. C'était super, super bon, mais ça, je pense que vous le savez, sinon je ne l'aurais pas fait jouer. Hein? C'est tout pour le Mathieu Plante Show cette semaine. Oh non, oh oui, c'est ce qui termine une autre édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mardis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 16h à 18h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis de 14h à 17h. Programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Passez aussi par Facebook, aimez notre page facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante ainsi que de Samuel Girard, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.